histoires vivantes. Très bonne écoute. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoires vivantes. Au nom de Dieu le miséricordieux. Cette semaine, journalistes, étudiants, diplomates et les autres. J'avais peur, il y avait une vraie bataille. Zoom sur un certain Orient. On voyait sans arrêt des garçons arriver en portant des blessés. Therefore, I have determined that it is time to officially recognize Jerusalem as the capital. Tous les jours, il y a des menaces disant qu'ils vont venir prendre Manbij. Inch'Allah, si Dieu le veut, nous ferons en sorte que cette opération atteigne son but en prenant le contrôle de Tal Rifat d'ici peu. L'échkalia n'est pas présente dans l'aqida. L'échkalia peut être présente dans le fikr. Le fikr est yuqaddas. Nous nous occupons cette semaine, après nous être intéressés et avoir ouvert vos oreilles à l'IREMO, l'Institut de la Recherche Moyen-Orient-Méditerranée, ou Méditerranée-Moyen-Orient plus exactement, à un autre édifice, Orient 21, dont nous recevons en ce moment même le fondateur, le créateur, Alain Grèche. Pour toutes les présentations, je vous demande d'aller réécouter l'émission de la veille. On a évoqué la création d'Orient 21, voici maintenant 5 ans quasiment, une expérience qui est fondée sur à la fois la volonté de pouvoir redonner clarté à cette appellation qui ne cesse de revenir dans les bouches des uns et des autres, l'Orient compliqué, mais quoique compliqué ou quoique complexe, dans l'esprit d'un Alain Grèche et sans doute aussi de ses confrères, il y a toujours moyen de déplier pour essayer de lire, pour essayer de mieux comprendre. Ça va sous-entendre des bénévoles parce que le business model, le modèle économique de toutes ces opérations est passablement compliqué et on aura l'occasion aujourd'hui d'en reparler à nouveau. Mais avant cela, on va peut-être avancer un peu plus pour ceux qui n'ont pas connaissance d'Orient 21. Ça ressemble à quoi, puisque c'est un journal sans le papier? Comment ça se présente? Alors, ça se présente comme un site sur Internet, avec un article en une tous les jours. Donc, j'ai dit, on publie 5 fois par semaine. C'est un article par jour, par semaine en français. 2 fois par semaine, on publie en arabe. Alors, avec un double objectif, moi, j'ai toujours été convaincu que la francophonie, c'était traduire du français vers des langues autres. Et que donc traduire en arabe, c'est aussi faire connaître une certaine manière de voir française importante. Mais aussi, depuis 2 ans, on essaye d'obtenir plus de journalistes de la région qui écrivent sur la région. Il y a quand même quelque chose d'un peu problématique quand c'est toujours les autres qui viennent vous expliquer qu'est-ce qui se passe dans votre pays. Donc 2 fois par semaine en arabe, 1 fois par semaine en anglais. C'est aussi une question de moyens, mais aussi c'est parce qu'il y a beaucoup de choses déjà en anglais sur le monde arabe et musulman. Et puis on a une section en persan. Alors ça peut paraître étrange, mais là aussi c'est intéressant parce que ça montre un peu comment nous fonctionnons. C'est en fait, le monde diplomatique a une édition en persan qui est faite par des bénévoles et qui nous ont dit, écoutez, la couverture du monde arabe et musulman est pas suffisante et on aimerait bien traduire et publier vos articles. On a dit tout à fait d'accord. Donc voilà, ça ne nous a demandé aucun investissement matériel, mais on a maintenant, c'est pas très régulier, mais enfin, on doit avoir plusieurs dizaines d'articles aussi en persan, ce qui nous semble important. Donc ça, c'est l'essentiel. Sur le site, vous allez trouver donc les articles, vous allez trouver aussi... On a créé des rubriques, par exemple, là aussi pour montrer comment on a fonctionné, on a fait une rubrique pendant 4 ans sur la guerre de 14-18 dans le monde arabe. On a eu une 30aine de très grands historiens qui ont participé à ça. Comment ça s'est fait? Parce qu'on a trouvé, il y a quelqu'un qui a dit, tiens, moi ça m'intéresse de m'occuper de ça, et donc il a trouvé, et voilà, ça s'est fait sans, des fois avec des coups parce qu'il fallait traduire certains articles, mais c'est quand même très minimal. On a aussi une rubrique qui s'appelle Va comprendre, qui est en direction des jeunes, avec l'idée de faire des articles de 2-3 feuillets qui essayent de faire le point sur un problème. Puis il y a des choses aussi, bon, aussi où on n'y arrive pas. C'est-à-dire, cette année, pour la première fois au programme, il y avait le Moyen-Orient entre 1860, je crois, et 1980. On a voulu monter avec un groupe de jeunes historiens une rubrique. Et bon, on a publié quelques articles, mais on n'a pas réussi à le faire. On a une autre rubrique qui s'appelle « Mots d'Islam », où on prend les mots fatwa, ramadan, etc. On essaye de expliquer que fatwa, ça veut pas dire condamnation à mort, mais que ça a toute une histoire, que c'est une histoire complexe, voilà. Donc ça aussi, c'est un élément important. Et en plus, on a une, mais là, c'est pas sur le site, on a une activité un peu de débat et de débat qu'on organise parfois seul, parfois avec l'IREMO qui nous accueille, puisque c'est là qu'on se réunit, même si on n'a pas vraiment de locaux fixes. Et c'est un des problèmes que nous avons, c'est qu'avoir des locaux fixes, ça coûte de l'argent. Sur ce mode de fonctionnement, Alain Grèche, je sens que vous y êtes comme un poisson dans l'eau. Il semble que la hiérarchie soit des plus ténues. Il y a forcément des règles. Vous parliez notamment hier des questions de formatage d'articles. Mais en même temps aussi ce souci de laisser respirer le plus possible et de laisser, d'autant que ceux qui vous accompagnent dès le départ ont plutôt les tempes grises et sont à l'abri matériellement, ce qui leur permet effectivement d'avoir du temps pour écrire, donc de donner du temps bénévole. Mais cette manière de fonctionner comme ça, le plus à l'horizontale possible, comment vous vous y sentez ? À la fois, je m'y sens très bien, je veux dire, je n'ai pas de problème, comme vous dites, parce que ça fonctionne, et à la fois, j'ai un problème sur l'avenir. C'est-à-dire que les tempes grises, elles sont de plus en plus grises et finissent par devenir blanches. Et bon, il faut s'interroger sur qu'est-ce que ça va devenir dans 5 ou 10 ans. Donc, un des problèmes que nous avons, comme j'ai dit, c'est on arrive à faire écrire des jeunes, ponctuellement, et on puise aussi beaucoup dans, quand même, il faut le dire, dans le vivier des jeunes chercheurs français. L'école française sur le monde arabe et musulman est quand même très très très bonne. Et il y a vraiment des chercheurs très brillants, etc. Et pour eux, écrire chez nous, ça leur donne une visibilité que ne donne pas le... Donc il y a un échange de bons services. Mais en revanche, dans l'équipe permanente, on n'arrive pas à trouver, parce qu'il faut les payer, les rémunérer. Donc c'est aussi une des choses qu'on essaye de se faire en ce moment, de rajeunir un peu, de trouver quelques personnes jeunes. Alors... c'est pas seulement la question de l'avenir. Je pense qu'il y a aussi le fait que, d'un côté, leur rapport au monde numérique est différent d'une autre. C'est eux, ils ont grandi dans ça, et que même si moi je suis assez à l'aise, je suis pas, je suis pas une étoile là-dedans, et je suis pas au courant des choses les plus extraordinaires qui se font. Et puis il y a le réseau des relations, c'est-à-dire que on a créé notre réseau de relations, mais le réseau de relations est vieilli comme nous. Et pour être à l'écoute des plus jeunes, etc., il faut appartenir à cette génération. Donc, une des choses qu'on voudrait faire, c'est arriver à trouver les moyens pour dégager une ou deux personnes qui sont effectivement plus à même d'avoir ce réseau jeune et d'assurer une certaine pérennité. Alors, en dehors du hold-up, qui ne doit pas faire certainement partie de vos projets, comment comptez-vous justement remplir les caisses ? Est-ce que vous avez plusieurs démarches ? Alors, si vous voulez, aujourd'hui, on peut dire que on a 2 campagnes de dons par an. Alors, c'est des dons défiscalisés. En plus, vous savez, en France, vous versez 300 euros pour un journal reconnu, puisqu'on a été reconnu comme journal, vous en récupérez 200, ce qui quand même facilite les dons. Donc ça nous procure, disons, 40 à 50% de nos ressources. Non négligeable. Oui. Non, en gros, on a eu cette année, je crois, l'année précédente, c'est 150 000 euros de budget. Donc, en gros, la moitié, un peu moins que la moitié, c'est ces ressources. On a des subventions ensuite ponctuelles qui peuvent venir de l'Institut français pour favoriser les traductions, du ministère des Affaires étrangères, du CCFD, le Comité catholique contre la faim et le développement, ou d'associations qui pensent qu'on joue un rôle. Et puis, on a peut-être 20% qui viennent du fait qu'on vend nos articles en anglais et en arabe à d'autres journaux. Voilà, c'est à peu près le... Et avec ça, on vit. Alors, et on a un salaire permanent qui est Françoise, que vous allez... qui est... la chef d'édition, on peut dire, qui assure le quotidien. Et on avait un salaire à plein temps qui est parti maintenant. Et on essaye justement de voir comment on va se réorganiser pour avoir un peu plus de force payée, je dirais, qui travaille avec nous. Et justement, comment augmenter ça? Comment augmenter le volume? Faut-il faire des recherches qui n'ont pas encore été faites? Oui, sans doute. Il y a plusieurs éléments. D'abord, il faut augmenter la fréquentation. Et pour l'instant, c'est-à-dire, quand vous faites des campagnes de dons, plus il y a de gens qui viennent sur votre site, plus vous récoltez d'argent. Si vous voulez, comme vous savez, compter sur Internet, vous pouvez avoir tous les chiffres. Nous, on a un compteur interne qui nous donne, et on est passé en gros de 50 000 visiteurs par mois à 250 000, 300 000. Et en mai 2018, on a dépassé 500 000. Mais c'est pas réellement des visiteurs uniques. Si vous voulez, le compteur le plus fiable, paraît-il, c'est Google Analytics. Et il nous a donné, en mai, qui est un chiffre record, 160 000 visiteurs uniques dans le mois. Ce qui est extraordinaire. Enfin, réellement, je ne m'attendais pas à des chiffres aussi bons. Donc, il y a amélioré ça. Alors, je dois dire que, voilà aussi un exemple. J'ai rencontré des gens à Tunis qui ont une boîte d'informatique. Ils m'ont dit, on adore ce que vous faites, on va vous aider. On va vous aider bénévolement pour que vous soyez mieux référencé sur les réseaux sociaux, pour que vous soyez plus visible, etc., etc. Ça aussi, c'est une manière dont on fonctionne. Le nouveau site, il y a un gars que je connais qui m'a dit, mais je vais t'aider à faire ça. Et il a piloté un peu toutes ces nouvelles choses. Alors, il y a des choses payantes, mais il y a beaucoup qui se fait bénévolement. On a aussi développé depuis quelque temps les vidéos. On a quelqu'un qui est dans au comité de rédaction, qui est caméraman et qui nous fait les vidéos de manière gratuite. Donc, le problème, moi, je pense que de toute façon, l'avenir, c'est un équilibre entre le bénévolat et les ressources financières. On ne pourra pas se passer de bénévolat et devenir purement professionnel. Je ne crois pas. Peut-être la personne qui prendra ma suite trouvera des moyens. J'ai pas d'obstacle, mais réellement, je ne vois pas. Mais il faut effectivement augmenter les ressources, donc il faut augmenter les contacts, il faut avoir une plus grande visibilité. Il faut aussi trouver des gens qui donnent de l'argent parce qu'ils pensent que le projet est bien. Et comme j'ai dit, c'est des dons défiscalisés. En plus, ton budget, c'est pas, on réfléchit pas en millions d'euros. Comme j'ai dit, c'est 150 000 euros le budget de l'année. Donc c'est quand même pas des sommes inatteignables. Je voudrais revenir, Alain Grèche, avec vous, à ce que nous avons laissé de côté un moment, à savoir l'importance de la traduction. Vous teniez à revenir là-dessus, dites-nous en plus. Pour l'essentiel, pour l'instant, la traduction, c'est l'arabe. Même s'il y a, comme j'ai dit, une section en anglais, en persan, c'est lourd financièrement, parce que les traductions, il faut les payer. On peut avoir les articles gratuitement, mais pas les traductions. Je vous le confirme. Et mon objectif, il était double. Moi, quand j'étais au monde diplomatique, j'ai toujours pensé que malgré le fait qu'on défend des positions plutôt à contre-courant, pour l'image de la France, c'est quelque chose de bien. Et je dois dire que nombre de diplomates qui ne partageaient pas forcément nos analyses étaient d'accord avec ça. L'idée de l'éventail. L'idée de donner une autre vision. Si vous voulez, pour donner cette idée de l'éventail à propos du monde diplomatique, une des choses qui interroge toujours les lecteurs, c'est comment le monde diplomatique peut être dans le groupe Le Monde, avec des points de vue qui sont quand même très différents. Et moi, j'ai toujours été convaincu que pour Le Monde, on était un atout. Par rapport aux gens qui les critiquent sur un certain nombre d'orientations, ils peuvent toujours dire on a le monde diplomatique. Et je crois que c'est vrai. Donc, Je pense réellement que essayer de faire prévaloir une vision française de la du monde est quelque chose de positif, même si je pense, mais ça c'est un autre débat, que ce qui faisait l'originalité de la position française dans les années 60, 70, 80 a quand même en partie disparu. L'autre aspect, c'était de se dire, quand même, il y a eu les révolutions arabes, elles ont été aussi l'œuvre d'une génération qui avait 20, 25 ans. Parmi eux, il y a de brillants journalistes. Et on, comme je vous l'ai dit avant, alors qu'on discutait, on a créé un réseau avec des sites indépendants du monde arabe et on rencontre des journalistes, des jeunes journalistes, notamment des jeunes femmes absolument extraordinaires qui mènent un combat pour un journalisme de qualité, indépendant, etc. Et on s'est dit, mais c'est quand même c'est ces gens qu'il faut entendre quand on parle de l'Égypte, quand on parle de la Tunisie, etc. Et pas seulement des Français qui viennent... il faut qu'il y ait les deux, hein, je dis, mais c'est quand même important d'essayer de faire émerger des nouvelles voix. Et je me suis rendu compte d'ailleurs, parce que c'était aussi mon expérience au monde diplomatique, que dans les années 80-90, on avait beaucoup de jeunes voix, de plus ou moins jeunes du monde arabe qui s'exprimaient. Il y a eu, il y avait Samir Kassir qui a été assassiné au Liban, il y avait... le nom m'échappe maintenant, mais un Égyptien aussi, etc., etc. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte moi-même que on ne trouvait plus. Aussi parce qu'il y avait une stagnation de la situation politique, etc. Là, les révolutions arabes ont ouvert un champ du possible, et il faut aller chercher. C'est pas facile, hein, c'est pas évident. Puis il faut trouver les gens. Il faut aussi quand vous écrivez pas de la même manière dans chaque pays. Moi, j'ai toujours été frappé, là aussi, au monde diplomatique. La manière dont les journalistes anglo-saxons font leurs papiers français, ça n'a rien à voir. Donc, il faut aussi parfois adapter, mais c'est quand même important d'avoir un point de vue qui soit différent. Et aussi parce que une des choses, même si on ne le fait pas assez, une des manières d'approcher ce monde arabe, c'est aussi la culture. C'est pas seulement la politique, donc c'est... Vous me rassurez. C'est donc parler de cinéma, c'est donc parler des séries. Moi, j'ai toujours été fasciné par... Je suis un grand amateur de séries, mais on voit les séries américaines, britanniques, maintenant d'Europe du Nord, mais il y a plein de séries dans le monde arabe, notamment au moment de Ramadan. C'est un des moments où les gens passent leur temps devant les séries, avec des séries qui ont une dimension politique, sociale, etc. Donc, et elles disent des choses sur la société qui sont très importantes. On fait une petite parenthèse là-dessus, parce que alors là, vous excitez ma curiosité. Ce sont évidemment des séries qui, pour l'heure en tout cas, sont peu exportées, sont essentiellement visibles sur place. Est-ce que l'une d'elles pourrait, selon vous, vous qui les connaissez, avoir toute sa place sur les plateformes d'aujourd'hui, Netflix ou autre? Non, je serais pas capable de dire. La seule série dont on va parler, mais c'est de manière critique, c'est Fauda, qui est une série israélienne qui parle de ce qui se passe dans les territoires occupés, dont on a fait écrire un Palestinien d'Israël sur... très critique de ça. On sait que Homeland aussi est adapté d'une série israélienne, mais non, quand je dis que je suis un grand amateur de séries, malheureusement, bien que je parle arabe, suivre une série en arabe, pour moi, c'est assez difficile. Donc, je suis pas capable de dire s'il y en a qui sont de niveau... On disait, en tous les cas, avant la révolution en Syrie, que la Syrie était l'endroit où se fabriquaient énormément de séries avec des gens de qualité, etc. Mais il faudrait faire un grand effort pour les mettre. Et peut-être ça m'amène une des choses sur lesquelles on insiste, et peut-être vous allez interviewer Nada Yafi, qui s'occupe beaucoup des traductions aussi, qui dirige l'Institut de langue arabe à l'Institut du monde arabe. C'est la place de l'arabe dans la société française, qui est un vrai scandale. J'ai écouté hier qu'on était le premier pays en Europe pour l'enseignement du mandarin, je trouve ça très bien, mais la place complètement secondaire de la langue arabe est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et alors qu'il y a une génération de jeunes issus des pays de langue arabe et qui ont envie de redécouvrir cette langue, et la seule option qu'on leur laisse, c'est d'aller dans les écoles coraniques. C'est quand même extraordinaire. Et puis, des fois, je me dis, mais regardez, vous êtes dans le métro. On va vous parler en italien, en espagnol, en portugais, en anglais, etc. Jamais en arabe. Et je pense que s'il y avait une annonce en arabe, les gens paniqueraient. Et dans les aéroports, pareil, c'est quand même extraordinaire. Il paraît qu'il a fallu des pressions saoudiennes extrêmement fortes pour que, à l'aéroport de Nice, où viennent évidemment les très riches du Golfe, il y ait des inscriptions en arabe. Je dis, il y a quand même un rapport à la langue arabe qu'il faudrait arriver à changer en France. C'est un vrai enjeu. Alain Grèche, si toutefois il est possible de répondre à la question, comment se définit la ligne éditoriale dans Orient 21 ? Alors, on a une réunion hebdomadaire du comité de rédaction. J'ai tenu à ce qu'elle ait lieu, elle a lieu dans les locaux de l'IRIMO, parce que c'est un moment de discussion. Et ce qui est, je pense qu'une des raisons d'ailleurs qui fait que les gens s'attachent, c'est que c'est un endroit où on discute politique. Enfin, on discute ce qui se passe dans le monde arabe, mais avec des gens qui ont quand même une grande expérience. Et même si on peut dire parfois c'est général, c'est quand même quelque chose d'important. Et c'est là qu'on définit un peu les thèmes qu'on va aborder, les articles qu'on va demander. Il y a une différence entre les articles qu'on demande et ce qu'on peut avoir, parce que il suffit pas d'avoir des idées. Ça, je le savais depuis le monde diplomatique aussi. On peut avoir d'excellentes idées. Il faut trouver le journaliste ou l'écrivain qui la réalise. Mais là, vous jouez le rôle du juge-arbitre qui dit oui, non, oui, non, ou bien ça me paraît infiniment plus nuancé maintenant. Il faudrait interroger. Soyez objectif avec vous-même. C'est pas que je suis pas objectif, mais je suis partie prenante. Donc je dirais, en général, il y a des consensus politiques. Il y a eu un cas où il n'y en a pas eu, je vais y revenir, qui est la Syrie. Mais en général, il y a des consensus politiques. Mais ça ne veut pas dire que les consensus politiques fait ni qu'on a le même avis sur un papier. C'est-à-dire, il y a des gens qui pensent que ce papier est bon et d'autres non, mais pour des raisons pas politiques. Ni des fois parce que sur telle ou telle crise ou tel événement, on peut avoir des opinions différentes. Moi, ça me gêne pas, c'est-à-dire d'être dans un cadre relativement souple. Et celui qui a vraiment été très douloureux et qui a failli, je sais pas nous faire imploser, mais bon, enfin, il y a des gens qui sont partis, c'est à la crise syrienne. C'est-à-dire, donc, nous, on écrit en 2013, donc c'est au plein de moments où se pose la question des interventions militaires. Est-ce qu'il va y avoir un bombardement américain et français en Syrie? Qu'est-ce qu'on pense de... Et, bon, moi, j'ai essayé de laisser, comment dire, s'exprimer différentes sensibilités qui existaient, c'est-à-dire dans la rédaction, entre ceux qui... on peut le dire comme ça, privilégier le fait que c'était des révolutions populaires contre des régimes dictatoriaux, et ceux qui pensaient qu'une intervention militaire occidentale ne pouvait être qu'une catastrophe, que les ingérences des pays du Golfe et le poids des groupes islamistes étaient trop importants pour qu'on puisse le négliger. Mais il y a des gens qui sont, je dis franchement, des deux extrêmes, il y a des gens qui sont partis, mais c'est pas moi qui l'ai fait partir, ni le... Bon, maintenant, ça s'est calmé, parce que, franchement, la personne qui dit « j'ai la solution pour ce qui se passe en Syrie », je pense plus qu'il y en a beaucoup. Mais bon, c'est à gérer. En dernière instance, c'est moi qui décide si un article passe ou non. Mais j'essaye de le faire en tenant compte, c'est-à-dire, si j'ai tout le monde, je vais pas... Même si je pense qu'un article est bon, je vais pas le faire passer contre tout le monde, ça n'a pas de sens. Et... Alors, un des dossiers qui doit... forcément apparaître dans les colonnes sur la page d'Orient 21, c'est Israël-Palestine, l'interminable feuilleton. Alors je dois dire d'abord que, comme vous savez, on a des journalistes, enfin un journaliste qui vient du Figaro, un de l'AFP, un du Monde, il y a un consensus chez nous sur Israël-Palestine. Je veux dire, il n'y a pas vraiment de débat, c'est-à-dire que c'est une... Donnez-nous quelques mots sur le consensus. Non. Le consensus, c'est que les Palestiniens vivent sous une occupation qui est inadmissible, que si je prends Gaza, ce qui s'est passé à Gaza en mai-juin 2018, c'est pas des affrontements, c'est des massacres. Je veux dire, là-dessus, il y a aucun débat chez nous. Après, sur l'avenir, personne n'a de solution. On a donné la parole à des gens qui pensent que il faut se battre pour une solution à deux États, d'autres qui peuvent se battre sur une solution à un seul État. Je veux dire, on peut... Voilà, donc il peut y avoir différents points de vue. On a aussi pris position, nous, très clairement, sur, après les déclarations du président Emmanuel Macron, sur le fait que l'antisionisme n'est pas une forme d'antisémitisme. Bon, il y a un antisémitisme qui existe, il est important, il y a une histoire de l'antisémitisme en Europe qu'on ne néglige pas. On a publié plusieurs articles sur la situation des communautés juives, notamment au moment de la guerre de 67, avec les manifestations qui ont eu lieu au Maroc et en Tunisie, qui étaient des manifestations antisémites qu'on a dénoncées. Donc là-dessus, on n'a pas de problème. Mais je dirais, pour nous, il n'y a pas de rapport entre les deux. Je veux dire, la politique israélienne est une politique du gouvernement israélien, est une politique d'occupation et d'oppression d'un peuple. Point. Je veux dire, ça, c'est quand même globalement notre grille d'analyse. Elle n'a jamais fait problème chez nous. Ce qui est une évolution, parce que quand vous dites il y a des participants à Orient 21 qui sont sans doute sur un éventail politique assez large, que vous arriviez maintenant à une sorte de... C'est parce que la situation là-bas a évolué ? Enfin, évolué. Écoutez, moi j'ai toujours remarqué que les gens qui couvraient le conflit israélo-palestinien ont... Comment dire ? Moi je ne me qualifie pas pro-palestinien, j'aime pas, parce que ça veut dire que vous prenez position pour un peuple contre un autre. Moi je dis, on est pour le droit international. Mais les journalistes français, quand ils vont là-bas, franchement, c'est très difficile de soutenir la position du gouvernement israélien, quel que ce soit celui du Figaro ou celui du Monde, c'est pareil. Et même quand les gens, moi j'ai connu des journalistes du Monde qui partaient en disant mais non, le précédent, il avait été vraiment trop dur à l'égard d'Israël. Quand ils voient concrètement la situation, je veux dire, ils peuvent partager que notre analyse, parce que c'est réellement une situation d'oppression extrêmement organisée, extrêmement difficile à vivre pour les Palestiniens. Et je pense vraiment qu'on... Ce qui ne veut pas dire que les Palestiniens... C'est-à-dire, ça c'est... Il ne s'agit pas de dire que les Palestiniens sont purs et qu'il n'y a pas de peuple héros, etc. Il y a des peuples qui vivent dans des situations, je dirais, d'oppression. Et ça, c'est un consensus chez nous. Alain Grèche, tout dernier volet, le Orient 21... aborde sa cinquième année. On a compris qu'il fallait l'ouvrir, fallait y aller, au cas où on n'y aurait pas encore été. Mais est-ce qu'on peut encore un peu plus vous aider et vous soutenir? Et quels sont vos besoins? Je dirais que ce qui est important pour nous, c'est la visibilité. C'est vrai que Internet, ça offre beaucoup de moyens de visibilité, mais ne pas exister sur papier, c'est un problème. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles... coïncident avec notre anniversaire, on va faire un numéro spécial avec Politis, Orient 21 Politis, la revue Politis, pour un numéro consacré justement au conflit israélo-palestinien. Et si ça marche, l'idée c'est tous les 3 mois ou 6 mois d'avoir une déclinaison papier. Ce qui est important pour nous, c'est d'être cité. C'est-à-dire, c'est ce que vous faites là dans votre émission, et je vous en remercie, c'est que les articles ponctuellement soient cités. C'est-à-dire, là, on a des articles qui sont parfois, enfin, pas parfois, ils sont toujours bien, mais je veux dire, qui mériteraient d'être plus pris dans les revues de presse. Et voilà. Et ça nous aiderait évidemment de manière importante. Et j'espère que l'initiative que vous avez, pour l'instant, que certains de vos confrères français la suivront en donnant un peu, en faisant des reportages sur ce qu'est Orient 21 et sur notre travail. Eh bien, vous nous donnerez écho. À bientôt et merci Alain Grèche. Merci à vous. Demain, la suite, il sera toujours question de la revue Orient 21. À notre micro, un ancien diplomate, très au fait des questions concernant une partie de cette région, et notamment la zone israélo-palestinienne. Nous serons en compagnie de Christian Jouret. Une émission proposée par Jean Leclerc en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. avec aujourd'hui la participation de Corinne Rocha, Valérie Dantan, Daniel Zacker et Isabelle Barthes. Réécoute et podcast sur histoirevivante.ch. Vous écoutez La Première et il est 14h.